Au-delà du ciel, à l'autre bout du ciel, il existe au-delà de tout un pays pour nous, un pays sans loi, sans autre loi que toi, où rien ne pourra plus jamais m'enlever le droit de t'aimer. Deux.